94.2 Service Compris. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Et notre invité est Monsieur Gounod, c'est bien Gounod, ça? Gounod, c'est ça? Oui, Gounod. Tout à fait. Merci, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Gounod, vous venez notamment nous parler de la journée défense et citoyenneté, mais avant ça, je vous demandais de vous présenter. Donc en fait, je suis le chef de centre du service national de Nancy, qui s'occupe pour la Lorraine, les quatre départements, de la journée défense et citoyenneté. L'organisation et de l'abonnement de tous nos jeunes de 17 ans pour qu'ils viennent faire cette journée chez nous, au sein du ministère des Armées. D'accord, alors si tu peux nous en dire plus sur cette journée et son déroulé. Alors en fait, la journée s'inscrit dans le cadre d'une loi qui définit le parcours de citoyenneté. Parcours de citoyenneté, c'est trois étapes. Première étape, l'enseignement de défense à l'éducation nationale, donc qui est faite par, encore une fois, l'éducation nationale. La deuxième étape, c'est le recensement en mairie. Les jeunes à 16 ans doivent aller se faire recenser en mairie. Et à l'issue, nous les convoquons à la journée défense citoyenneté qui vient parachever ce parcours de citoyenneté. Ils viennent chez nous à l'âge de 17 ans. D'accord. Alors, l'enseignement de la défense, je reviens là-dessus, qui est la première étape. Ça se fait dans le cadre de quelle matière L'éducation nationale est maîtresse chez elle, soit elle le fait dans le cadre de ses cours d'histoire, tout simplement, ou alors à travers l'éducation civique, où elle fait passer un certain nombre de messages sur nous, sur la défense des intérêts nationaux, que ce soit défense militaire, défense économique ou tout type de défense. D'accord. Le recensement, c'est à 16 ans, c'est-à-dire qu'il y a un délai par rapport à... Alors en fait, le jeune doit aller se faire recenser à 16 ans en mairie, avec son livret de famille. De cette manière-là, les mairies nous envoient, nous, centre du service national, ses coordonnées. On le rentre dans notre système de convocation et après on convoque. Ce qui représente, alors pour information, on arrive à toucher 96% d'une classe d'âge qui vient chez nous faire sa journée, ce qui est relativement important. Et donc à l'issue de cette journée, les jeunes obtiennent un certificat individuel de participation. D'accord. Qui leur est nécessaire pour passer les concours régis par l'État, donc tout ce qui est concours type BAC, PEP, ce que vous voulez, et aussi le permis de conduire. D'accord. Cette journée, elle se passe quand le jeune a quel âge ? Alors, à 17 ans. Il faut savoir quand même que les jeunes sont libérés de leurs obligations à 25 ans. Donc en fait, si jamais il y a des retardataires, et ça peut arriver, ils peuvent être convoqués jusqu'à l'âge de 25 ans à cette journée. D'accord. Alors, le déroulé d'une journée défense et citoyenneté. Alors en fait, convoqué à 9h moins le quart, on démarre à 9h et ça dure jusqu'à 17h. Dans cette journée, on a trois modules défense, où l'on explique trois choses. Premièrement, qu'ils vivent dans un monde instable, donc ça c'est, on dépeint le tableau. En second, on leur explique qu'il y a un outil qu'ils appellent le ministère des Armées et qui est là pour nous protéger. Donc là, on décrit ce qu'on fait et comment on le fait. Et le troisième module, c'est qu'on leur propose d'avoir un rôle à jouer. Alors, un rôle à jouer, effectivement, on leur propose éventuellement de venir nous voir et de s'engager. On leur propose aussi le service civique. On leur parle du don du sang, on leur parle du don d'organes. Voilà, c'est le côté engagez-vous dans votre vie en général et éventuellement chez nous. À côté de ces trois modules principaux, on a un module... qui est aussi fait par l'éducation nationale, qui est un module de test de difficulté de lecture. Donc là, on parle bien de difficulté de lecture, on parle pas d'illettrisme, mais il faudrait une journée complète. D'accord. Pour faire des tests complets. Et là, on détecte les jeunes qui ont des problèmes de lecture, et s'ils ont des problèmes, on envoie leurs coordonnées soit aux directions du CESEN, soit à l'éducation nationale, au rectorat, pour qu'ils recontactent le jeune en interne et qu'ils voient ce qui s'est passé. Donc cette journée sert aussi à détecter donc, tous ces jeunes qui auraient des difficultés. Tout à fait. Alors uniquement en langue française ou également sociale, etc. Alors, le côté de langue française, c'est ce que je vous expliquais. Ouais. Et il y a aussi, on essaye aussi de détecter les décrocheurs. Alors un décrocheur, pour la définition commune, qui est partagée par plusieurs ministères, c'est quelqu'un qui est sans emploi, sans formation et sans diplôme. Donc en début de journée, on leur fait remplir une fiche administrative et on détecte par ce biais-là ce profil. Et ces jeunes décrocheurs, on les reçoit en entretien individuel pendant la journée et on leur propose des solutions de médiation ou des structures de médiation type mission locale, par exemple, pour qu'ils reprennent contact et qu'ils raccrochent un wagon quelconque pour qu'ils se remettent en formation, en emploi ou qu'ils retournent à l'éducation nationale aussi éventuellement. D'accord, il y a également une sensibilisation à la sécurité routière pendant cette journée. Oui, alors il y a aussi deux petits modules, j'allais dire, par rapport à ce que je vous ai décrit précédemment. Un premier module sécurité routière, donc d'une demi-heure où voilà, on parle de la sécurité routière. Alors ça s'inscrit dans un parcours complet qui nous a été demandé par sécurité routière, parce qu'ils ont aussi des interventions en lycée, au collège et même en école primaire maintenant. Et nous, on vient aussi dans ce parcours s'insérer là-dedans au niveau sécurité routière. Et enfin, je ne l'ai pas dit, on a aussi un tout petit module d'une demi-heure où on parle justement des solutions de remédiation pour les décrocheurs. Et là, on leur montre et leur propose un tas de solutions. Alors, tout le monde n'est pas décrocheur. Maintenant, tout le monde connaît peut-être un décrocheur et peut en parler autour de lui. D'accord. Et vous estimez à quel pourcentage, je ne sais pas si vous avez ce type de statistiques, mais de jeunes qui, suite à cette journée, veulent s'engager dans l'armée ou Alors, c'est difficile à dire, parce que déjà, ils arrivent chez nous, ils ont 17 ans, donc ils sont jeunes. Hein. Nous, l'idée, c'est qu'on plante une graine, éventuellement. Après, on a des fiches contacts qu'on leur propose d'envoyer. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on leur pose des questions, et notamment, on leur demande s'ils sont intéressés par le métier dans les armées et la gendarmerie. Il ne faut pas les oublier, ils sont aussi un partenaire essentiel pour nous. À savoir qu'en Lorraine, par exemple, il y a 30% des jeunes qui demandent à être contactés. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a 30% des jeunes qui vont s'engager, hein, on est d'accord. Mais c'est déjà pas mal. Mais quand même. Ça peut être un contact informel, ça peut être un contact pour être réserviste, ça peut être un contact pour le service civique, ça peut être un contact pour un tas de choses. Alors, être réserviste, il faut avoir été militaire pour être réserviste? Pas du tout. Réserve civile. Justement, alors, il y a plusieurs types de réserves. Il y a la réserve. Alors, très classiquement militaire. Donc là, on peut proposer à un jeune de venir faire de la réserve militaire. Et il n'y a pas besoin d'être ancien militaire ou d'avoir fait son service militaire comme une certaine époque. Donc on lui propose. Alors, c'est des contrats qui vont de 5 à 30 jours par an. Les jeunes sont bien sûr formés et viennent faire de la réserve chez nous. Typiquement, quand vous voyez les patrouilles Vigipirates qui circulent depuis quelques années maintenant, il y a parmi eux des réservistes. D'accord. Et aussi, donc après, la réserve citoyenne. Donc là, c'est une forme d'engagement un peu pareil pour faire du lien social et du lien armée-nation, mais là, on porte pas forcément l'uniforme. Et puis derrière, les formes d'engagement que sont le service civique, encore une fois, ou des choses comme ça. Et donc, il y a un site internet qui permet aux jeunes, mais également à leurs parents, de se renseigner complètement sur cette journée. Tout à fait. Alors, on a créé il y a presque un an maintenant un site internet qui s'appelle magidc.fr. Donc, on trouve très facilement en tapant ça sur un moteur de recherche. Ce site internet permet aux jeunes de s'inscrire en ligne vers nos services. Et donc, et une fois qu'il est inscrit, donc il faut d'abord qu'il soit recensé, après il va s'inscrire sur le site. Une fois qu'il est inscrit sur ce site, il peut demander à être convoqué à telle ou telle date, à être convoqué sur tel ou tel lieu aussi. Il peut demander à changer de date de convocation quand il a reçu sa convocation. En fait, c'est un dialogue qu'on peut avoir avec lui en direct et à travers ce site internet. D'accord, donc on rappelle qu'il est important d'aller se faire recenser dès qu'on a 16 ans, parce qu'au-delà de cette journée défense citoyenneté, c'est également une obligation de pouvoir passer le permis de conduire et s'inscrire à des examens régis par l'État. Et alors, c'est la loi qui explique tout ça. Hein. Ce n'est pas le ministère des Armées qui a envie de faire ça et qui le fait. Hein. Donc la loi s'impose à tous, au ministère des Armées et au ministère de l'Éducation nationale qui sont partenaires à ce niveau-là. Et donc la loi, effectivement, précise qu'il faut les recenser à l'âge de 16 ans, à sa mairie de domicile. Et donc, si les jeunes et bien sûr leurs parents veulent avoir des informations complémentaires ou s'inscrire ou changer des dates, etc., c'est donc le site www.majdc.fr. Exactement. Ma journée défense citoyenneté. Voilà, au-delà de l'inscription sur le site à titre personnel, il y a aussi toutes les informations disponibles pour le pourquoi, le comment de cette journée. Puis vous retrouvez également des informations sur d'autres sites comme servicepublic.fr ou défense.gouv.fr. Exactement. Où là, vous pourrez trouver l'ensemble des informations. Merci beaucoup, monsieur Gonon. Merci à vous de m'avoir reçu. 94 de service compris. La matinale de Fadjet. Je vais me réveiller et je vais tout comprendre. Mais oui, commissaire, vous allez tout comprendre. Et nous aussi. Toi aussi, tu vas tout comprendre grâce à notre matinale 94 de service compris du lundi au vendredi de 7h à 8h30 et le samedi de 8h à 9h sur Fadjet. Je vous charme de vous expliquer. Info, actu, musique, bon plan et surtout de la bonne humeur. Plus de 25 personnes se succèdent à l'antenne tous les matins sur une seule fréquence, 94.2 ou en live sur Fadjet.net. Alors maintenant, foutez-moi le camp. Maintenant, foutez-moi le camp, mais vite!